Mag. Toute l'actu en Touraine sur Radioactive. Bonjour et bienvenue, et oui, c'est l'heure du Mag sur Radioactive. On poursuit aujourd'hui notre balade au cœur du forum Vivasso de Montlouis qui s'est tenu ce samedi 6 septembre à l'espace Ligeria de Montlouis. Et dans ce second volet, on va à la rencontre d'une association qui porte la mémoire et la solidarité, l'Union nationale des combattants de Montlouis. Son président Emmanuel Wolf répond à nos questions dans ce mag. Bonjour, Emmanuel Wolf. Donc, je suis le président de l'association depuis 2021. Donc, je suis avec Jean-Michel, le vice-président, Stéphanie, la secrétaire, et Claude, un des membres du conseil d'administration. Et on est là pour faire parler de l'association, pas forcément pour recruter. Notre but principal, c'est le devoir de mémoire, faire en sorte que les générations qui nous suivent reprennent le flambeau dans tout ce qui est commémoration du passé historique français. Et pour fonctionner, on organise des événements. Et l'événement phare de notre association, c'est le déjeuner dansant qu'on organise chaque troisième dimanche de janvier. Donc en 2026, ce sera le 18 janvier. Et donc on est très heureux de pouvoir proposer un repas, une après-midi dansante aux gens qui veulent venir ce dimanche-là. Ça sera ici même à l'espace Ligeria ? Ce sera à l'espace Ligeria de midi jusqu'à ce que la musique s'arrête vers 18-19h. Avec l'orchestre de Franck Sirotto. Exactement, avec l'orchestre de Franck Sirotto, qui est assez connu dans la région pour la qualité des après-midi qu'il organise. Alors, monsieur Wolf, j'aime bien poser cette question aux interviewés, mais qu'est-ce qui fait que vous vous investissez aujourd'hui dans ce type d'association ? Alors, j'étais militaire avant, donc j'ai une fibre assez proche, mais la retraite arrivant, j'ai voulu contribuer à faire fonctionner l'association avec un peu l'apport d'un peu plus de jeunesse, puisque les membres ne sont pas forcément parmi les plus jeunes de la population de Montlouis. Et donc permettre à l'association de continuer à fonctionner, à redonner un peu de dynamisme. Et honnêtement, c'est vraiment gratifiant parce qu'on a des gens, des membres qui sont des Montlouisiens souvent de longue date, qui ont énormément de choses à partager, non seulement sur leur histoire, mais aussi sur l'histoire de la commune. C'est important aujourd'hui quand vous voyez des démarches telles que le conseil municipal des jeunes qui viennent et qui participent citoyennement à ces commémorations. Ça fait plaisir, surtout que Montlouis, il y a une très bonne intégration entre la municipalité, les habitants et l'association. Parce qu'on n'organise que deux cérémonies chaque année, donc deux commémorations, le 8 mai et le 11 novembre. Et il y a vraiment une participation en grand nombre de la population. Les écoles se déplacent, donc il y a tous les enfants qui s'investissent dans la préparation. On a créé un drapeau qui est porté par un membre du Conseil des jeunes. Et donc la place des anciens combattants d'Afrique du Nord à Montlouis, le 8 mai et le 11 novembre, elle est vraiment noire de monde. Ça fait vraiment plaisir. Bah, c'est la preuve que l'association a tout son sens. Exactement, et ça fait chaud au cœur. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. On rappelle cette date qui est donc le 18 janvier à l'espace Ligeria, pour venir soutenir l'association. Et sinon, est-ce qu'à l'année, il y a une adhésion qu'on peut prendre ? Alors, on n'a pas besoin d'être un ancien combattant ou un combattant pour venir soutenir l'association. Tout le monde peut nous rejoindre. Et la cotisation, elle est à 30 euros en abonnement annuel avec la revue de la Voix du combattant et à 20 euros juste pour l'adhésion annuelle et profiter de tout ce qu'on organise. Parfait. Bien, merci beaucoup et bonne continuation à votre association. Merci madame, bon après-midi. Merci beaucoup à Emmanuel Wolf, président de l'Union nationale des combattants de Montlouis, pour cet échange. Une association qui, on l'a entendu, fait vivre le devoir de mémoire, mais aussi la transmission auprès des jeunes générations. On continue très bientôt nos rencontres avec les associations présentes au forum Vivasso de Montlouis. Restez bien avec nous sur Radioactive. Retrouvez le mag et toutes vos émissions préférées sur radioactivefm.fr.